Les passages à niveau sont des endroits à risque, surtout quand ils sont placés dans une zone où la visibilité n'est pas très bonne. Cette signalisation nouvelle permet d'annoncer à l'avance si les barrières sont baissées. Mais le mode de fonctionnement est un peu particulier. Quand les barrières sont levées, le panneau est éteint. Lorsque le train est annoncé et que les barrières sont baissées, le panneau et le panonceau sont allumés, mais ni l'un ni l'autre ne clignotent. Réponse C.